ta brosse à dents chez moi. Ouais, tu as oublié ton t-shirt que chez moi. Y'a même une paire de bottes, je crois qu'elles sont à toi. Puis c'est peut-être le tien, c'est pas trop pékinois. Puis y'a encore quelque chose que tu oublies chez moi. Oh, y'a encore quelque chose que tu oublies, c'est moi. Ouais, tu as oublié ta guitare chez moi. Ouais, tu as oublié tes BD chez moi. T'as oublié de reprendre tes copains, ils sont là. Ils prennent en t'attendant la poussière sur le sofa. Puis y'a encore quelque chose que tu oublies chez moi. Oh, y'a encore quelque chose que tu oublies, c'est moi.